The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. What? Qu'est-ce que? To order. Commander. Not. Pas. To be. Être. Vegetarian. Végétarienne. Now, a bit faster. Not. Pas. To order. Commander. Not. Pas. Vegetarian. Végétarienne. What? Qu'est-ce que? To order. Commander. To be. Être. Not. Pas. To order. Commander. Now, use the words in context. Qu'est-ce que? What are you ordering? Qu'est-ce que tu commandes? Commander. Are you ordering a salad? Tu commandes une salade? Être. I'm a vegetarian. Je suis végétarien. Pas. No bread. Pas de pain? Végétarienne. Are you a vegetarian? Tu es végétarienne? Qu'est-ce que? What are you ordering? Qu'est-ce que tu commandes? Commander. Are you ordering a salad? Tu commandes une salade? Pas. No bread. Pas de pain? Végétarienne. Are you a vegetarian? Tu es végétarienne?